Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. 25e épisode de la mécanique des ondes. Bienvenue à toutes et à tous sur Fréquence Protestante 3 quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. Alors aujourd'hui, je reçois un directeur d'une radio qui, aux dernières audiences, il y a quelques semaines de cela, a fait 12% d'audience. Il est à la tête de la première radio musicale de France avec Gaël Sanquer qui a été le premier invité de la mécanique des ondes. Ça fait beaucoup, beaucoup de premiers. Bonjour Morgane Serrano. Bonjour. Merci. Alors, de m'accueillir. Je vous en prie, première question traditionnelle de l'émission. Vous êtes au micro d'une radio associative et j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Ça me rappelle Radio FG, puisque j'ai commencé par Radio FG, qui était une radio associative quand j'ai commencé en 96, je crois. Et c'est toujours un plaisir de revenir finalement à ses premiers amours, et c'est la vraie radio finalement. Alors en 96, vous aviez quel âge, sans indiscrétion? 23. 23 ans. Tu veux vraiment que je me trouve vieux aujourd'hui, en fait, c'est pas, ça? Pas du tout. On commence direct. Pas du tout. On revient. Alors il y a un certain temps. Bon, d'accord, nous ne préciserons pas le nombre d'années. Comment et pourquoi vous avez atterri à Radio FG? En fait, tu vas me vouvoyer là, c'est ça, tout ouais, le monde. Ouais. Ouais. C'est dur ça, parce que moi j'arriverai pas à te vouvoyer. Mais vous faites comme vous le sentez, Morgane. C'est gentil. C'était quoi la question? Comment vous avez atterri à Radio FG et pourquoi? Totalement par hasard, parce que à cette époque-là, moi je faisais un BTS. Et donc j'avais pas encore repris les cours, c'était au mois de fin août. Il me restait encore un bon mois à rien faire. Et comme je faisais pas mal de rêves parties à l'époque, c'était la grande mode, les rêves parties avec les Laurent Garnier et puis plein d'autres, plein de grands DJ de cette époque-là, j'aimais bien tout ce qui touchait à la techno, donc je m'achetais pas mal de compiles techno, et j'avais vu sur une des compiles que j'avais acheté dans un grand magasin, dans un supermarché même, il y avait écrit, donc c'était un partenariat avec Radio FG, cette compile, et il y avait écrit qu'ils vendaient des vêtements qui étaient dans tout l'univers des rêves parties, etc. Donc je suis allé à Radio FG pour acheter des vêtements. À la base, pour acheter des vêtements. Ouais, totalement. Donc je suis arrivé rue de Rivoli, je suis tombé sur Antoine Baduel, qui lui me dit viens, c'est dans cette pièce là il y a des vêtements, le directeur de la radio quand même à l'époque, qui l'est toujours même s'il a pris du grade depuis, et c'est lui qui m'a présenté ce portant avec il y avait quoi 5-6 suites et 6 ou 7 pantalons, ça allait pas plus loin que ça. Moi je m'attendais à un grand truc, et puis j'ai acheté deux trucs, et il m'a dit si tu veux viens ce soir, on fait une espèce de libre antenne qui s'appelait le Club FG. Il faisait ça tous les soirs. Il me dit si tu veux viens, si t'as le temps viens faire du standard, viens regarder comment se passe une émission si ça t'intéresse. Et comme j'avais pas grand chose à faire, j'ai dit évidemment. Moi j'étais déjà un grand auditeur des radios depuis de nombreuses années. J'ai toujours été passionné par la radio. J'avais jamais pensé en faire. Et je suis venu le soir. J'ai commencé le standard. J'ai dû décrocher deux appels avant que pendant l'émission Antoine me dise viens au micro, viens parler avec nous. Et là à la seconde où j'ai parlé dans le micro, je me suis dit attends, le mec il est payé. J'ai payé pour passer des disques et parler avec les gens, mais voilà, je vais faire ça, je vais arrêter mes études, je vais faire ça, quoi. Alors, je vous coupe, mais vous faisiez un BTS de quoi à la base? Action Co. Ah oui, alors rien à voir. Rien à voir. En fait, je voulais finir mes études parce que ça faisait plaisir à mes parents que je fasse un BTS après le bac. Mais moi, je voulais partir aux États-Unis, vivre là-bas et faire je sais pas quoi, mais trouver, parce que je me suis dit, je trouverais bien sur place. Voilà. D'accord, mais vous vous retrouvez derrière le micro de Radio FG. Et je me retrouve derrière le micro de Radio FG complètement par hasard, comme quoi c'est le destin. Moi, j'y crois au destin, et puis surtout j'ai eu le déclic, quoi. Ça a été vraiment un déclic, mais dans les 2-3 premières secondes quand j'ai parlé, je voyais Antoine se marrer derrière le micro. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Le mec, il est payé vraiment pour faire ça, quoi. C'est un super job. Donc voilà. Et ensuite, alors le mois d'août, vous y retournez à Radio FG avant de votre entrée? En fait, à la fin de l'émission, il me dit mais c'était super au micro, tu veux pas avoir ton émission? Vas-y, donne. Et il m'a donné une émission le jeudi de minuit à 5h du mat qui s'appelait La Nuit Folle, où c'était n'importe quoi. Et où c'était une libre antenne, enfin libre de tout d'ailleurs, je faisais ce que je voulais, si je voulais passer des disques, je passais des disques, si je voulais parler avec les gens, je parlais avec les gens, et c'était un grand n'importe quoi. Donc j'ai fait cette nuit folle pendant plusieurs semaines. semaine, c'était bénévole évidemment, jusqu'au jour où il m'a proposé de faire le matin sur FG. Donc ça a duré 6 mois, la nuit folle. Ensuite j'ai atterri au matin où j'ai dû faire 6h, 7h30 pendant un an à peu près. Donc c'était dur, c'était bénévole, il fallait que je travaille à côté pour faire de l'argent et que je me lève tôt. Donc c'était pas une période super simple, mais j'ai adoré, parce que c'est là que j'ai appris la radio finalement. J'écoutais beaucoup Fun Radio à l'époque, j'écoutais beaucoup les FM et j'essayais de m'entraîner à faire comme ce que j'écoutais sur Fun et pour pouvoir y atterrir un jour. Alors voilà. Vous faisiez du micro, mais vous n'avez pas cherché à peut-être un petit peu plus fouiller la technique ou même encore d'autres choses? Je faisais du micro. Alors d'abord, j'ai eu la phase où je m'amusais. Ensuite, j'ai eu la phase où je me suis dit, faut pas que je reste sur FG, faut que j'aille sur Fun, parce que c'est la radio que j'écoutais. Et j'étais fan de Fun depuis plusieurs années, en tant que lycéen, collégien même. J'étais vraiment toujours été fan de Fun Radio. J'étais anti-énergie à l'époque. Je l'ai été jusqu'à ce que j'y aille, d'ailleurs, sur énergie, il faut le dire. oui, j'ai grandi dans cette culture anti-énergie. Donc après cette phase d'éclate, je me suis dit, bon, il faut que je me professionnalise, il faut que j'apprenne à faire des bons speaks, il faut que j'apprenne à être plus efficace pour pouvoir faire des maquettes et les envoyer ensuite dans des radios, dans des grosses radios locales, qui pourrait être un lien ensuite pour aller sur Fun, parce que mon objectif c'était Fun. Donc j'ai visé Voltage, j'ai visé c'était Vibration à Tours, je crois, ou Orléans, pardon. J'ai visé Rough Scoop à Lyon. En fait, j'ai envoyé des maquettes partout, à Contact aussi. Et ça, c'était quand je me sentais prêt. Et finalement, elles m'ont toutes répondu oui, ok, pour venir chez elles. Donc, bah, j'ai choisi celle qui était le plus proche de chez moi, c'est-à-dire Voltage. Et j'ai atterri sur Voltage. Ça, c'était l'été 97. D'accord. Et là, on vous propose aussi une tranche animée. Alors là, on me propose le 9h midi. Donc, je commence le 9h midi. Ça devait être début juillet, je crois. Et le jour où j'ai commencé sur Voltage, je me suis dit, il y a pas de raison, si j'arrive à être sur Voltage, il y a pas de raison que j'arrive pas à être sur Fun. Parce que Voltage, c'était gros à l'époque. C'était une grosse radio à Paris. Ça cartonnait vraiment. C'était une grosse radio dance. Et je me suis dit, bah, si je suis là, je peux être sur Fun, en fait. Donc, le jour même, quand j'ai commencé sur Voltage, j'ai fini mon émission à midi et j'ai appelé Fun. Je suis tombé sur Jean-Michel Méchin, qui était le directeur d'antenne avec Sam Z. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je suis animateur sur Voltage, genre ça fait 10 ans que j'y suis, quoi. Ça faisait une journée ou 3 heures, même. Ça d'ailleurs. Faisait 3 heures que j'y étais, et je lui ai dit, voilà, je suis animateur sur Voltage, et mon rêve, c'est d'être animateur sur Fun. Donc j'y serai un jour, est-ce que ça sera avec vous ou quelqu'un d'autre? Il me dit, bah écoute, on a un animateur qui vient de partir, viens faire un essai cette nuit à minuit. Et deux radios dans la même journée. Deux radios dans la même journée. Comme quoi, le destin, c'est pas possible, quoi. Je tombais au bon moment, quoi. Et à minuit, j'ai fait mon essai sur Fun jusqu'à 6 heures du mat. Qui s'est très bien passé, puisque à la suite de ça, ils m'ont dit, bon, on te prend. Donc, j'ai fait 3 semaines sur Voltage. J'ai jamais signé mon contrat là-bas, parce que je voulais pas le signer, parce que je savais que je partais. Et j'ai commencé sur Fun en août 97. Ah, vous commencez en pleine grille d'été, finalement. Ouais, exactement. C'était un peu le moment où il y avait un remue-ménage chez Fun. C'était la fin de l'ère D-Fool, qui était parti un an avant. D-Fool étant parti, il y a Max qui avait repris l'antenne à cette époque-là, pas très longtemps non plus, et il y avait une nouvelle direction avec Jean Isnard, Jean-Michel Méchin, toujours sous la direction de Benoît Sillard. Et donc j'ai rencontré tout ce beau monde-là. Pour moi, Benoît Sillard, c'est une star, quoi. Comme j'écoutais les libres antennes de Doc et D-Fool, j'écoutais Max, j'écoutais Arnold, j'écoutais Coé, qui était toutes des stars de Fun Radio, et ils parlaient tout le temps de Benoît Sillard. Ils se foutaient tout le temps de la gueule de Benoît Sillard à l'antenne. Pour moi, c'était une star, et je me retrouve dans le bureau de Benoît Sillard à signer mon contrat. Chez mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je savais à peine faire de la radio, quand même. J'étais vraiment, vraiment tout jeune, et j'en faisais depuis très peu de temps. J'avais pas été coaché, j'avais tout appris tout seul, et je m'entraînais avec mon micro chez moi, quand même. Donc pour moi, c'était un rêve, et j'arrive à ce moment-là où je sens qu'il y a des failles, puisque ils sont en train de renouveler toute l'équipe. Et donc j'ai commencé le 23 août 97, j'oublierai jamais cette date. Et un mois après, Benoît Sillard est remplacé par Axel Duroux. Et après, il y a eu plein de départs en cascade sur les 2 mois qui ont suivi. Donc de septembre à décembre 97, finalement, tout le monde se fait virer de Fun, quoi. Axel Duroux renouvelle tout le monde, nouveau directeur. Je me suis dit, mais je suis tombé où, quoi? Et finalement, ça a été une aubaine pour moi, puisque je faisais partie de la nouvelle équipe. Donc, 3 mois après, je me retrouvais en janvier 98, donc aux 16h-19h de fun la semaine, quoi. À la place de toutes les stars que j'avais écoutées, il y avait la Fun Force avec Miguel à l'époque, j'ai remplacé ça, quoi. Et voilà, et ensuite j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, quoi. Alors, comment vous avez évolué, effectivement, au niveau du micro, puisque vous aviez une expérience très très courte. Alors, c'est vos directeurs, ils vous dirigent, ils vous conseillent? Bah, en fait, à cette époque-là, quand Axel Duroux a repris donc Fun et RTL2, il était patron des deux. Il a nommé Sam Zed en tant que directeur d'antenne. Et Sam Zed, on s'est tout de suite bien entendu. Il a vu en moi un gros potentiel. Il m'a dit, c'est sur toi que va reposer Fun Radio. Pas malade. De pression du tout. J'étais là depuis très peu de temps. Je faisais de la radio depuis très peu de temps. J'étais en plein apprentissage et le mec me dit, tiens, je vais te donner le terrain de jeu. Tu vas t'éclater sur le 16h-19h. Il m'a dit ça comme ça. Je dis, mais je sais pas faire. Je lui dis, mais je sais pas faire ça. Je suis pas au niveau. Je faisais le week-end depuis 3 mois. Que je partageais avec Gaël, d'ailleurs, le week-end. Un coup, c'était lui, un coup, c'était moi. On se partageait vraiment les tranches. Et il me dit, non, tu vas faire le 16h-19h parce que tu as le potentiel, donc je vais t'apprendre la radio. Et c'est Sam qui m'a coaché au quotidien. Après chaque émission, j'allais dans son bureau, on réécoutait l'émission. C'était très dur. C'était très dur parce que c'était quelqu'un de dur, qui savait exactement ce qu'il voulait. Et même s'il m'avait dit que j'avais du potentiel, pour lui, il fallait que j'y arrive tout de suite quand même. Donc ouais, la pression, être efficace, être bon, être naturel, enfin tout ça, tout ce qui fait un bon animateur radio, tout ça, il fallait que je l'apprenne, mais en très peu de temps. Et je me rappelle un jour, il me dit dans le bureau, il fait bon, maintenant ça suffit, il faut que t'arrives à faire des intros avec un auditeur en 7 secondes sur l'intro. Je sais pas faire ça, enfin 7 secondes c'est très court, quoi. L'appel de te dire bonjour, comment ça va, c'est Fun Radio. 7 secondes sont passées, fait tu te débrouilles, il faut réussir à faire ça. Donc pendant 2-3 mois, c'était compliqué, je ratais plein de choses, mais au bout d'un moment, j'y suis arrivé. Et je remercierai toute ma vie pour ça, et il m'a vraiment tout appris, quoi. Alors, c'est le moment de la première pause musicale, Morgan Serrano, ouais. Vous avez choisi quoi? Vous avez pas du tout choisi de pop, hein, vous êtes plus rock. Bah, en fait, moi, j'ai grandi avec le rock, j'ai toujours eu du rock chez moi, à la maison, mon père a toujours écouté du rock, et le rock fait partie de ma vie, et c'est ce qui m'a amené à la musique, et à aimer la musique, donc pour moi, le rock, c'est ma base musicale. Après, le reste, c'est du bonus, hein, j'écoute un peu de tout, mais c'est ma musique, c'est le rock, quoi. Donc j'ai choisi les Foo Fighters, c'est une reprise de Creedence, parce qu'en fait, j'ai commencé à aimer la musique par Creedence, quand j'avais 5-6 ans, et ensuite, bah, ça m'a fait dévier sur plein d'autres trucs, aussi bien sur les Beatles que sur des trucs un peu plus durs, comme Ted Nugent, enfin des trucs, hein, que les gens ne connaissent peut-être pas, mais j'étais vraiment sur le rock américain à fond, mais le premier groupe vraiment que j'ai kiffé, c'était Creedence, et mon père adorait Creedence, et les Foo Fighters ont fait une reprise de Fortunate Son de Creedence, que je trouve très bien faite, très moderne, et que j'adore écouter à fond dans ma voiture le matin. We'll be right back. Les Foo Fighters avec Fortunate Son sur Fréquence Protestante, c'est la mécanique des ondes de Morgan Serrano. Ça vous a un petit peu réveillé là dans l'émission. Il y a une deuxième pause aussi qui est bien rock. Hein, vous m'avez préparé. Hein, mais j'aime pas la musique molle, moi. Donc bon bah voilà, au moins c'est clair. Si c'est pas dynamique et énergique, ça m'intéresse pas. Hein. Voilà. On vous a laissé à Fun Radio. Vous faisiez donc la tranche du prime time, on va dire. Ouais, le 16-19. Mais après, j'ai un peu tout fait. Hein. Après, je me perdrai dans les dates. Je sais que de 98 à 2004. J'ai à peu près tout fait. J'avais Party Fun aussi le week-end, en plus de la semaine. À l'époque, on travaillait 7 jours sur 7, en fait. Hein, c'était pas un problème. Mais j'adorais ça. C'était ma vie, quoi. Donc, je faisais Party Fun où j'ai appris à mixer aussi et appris à aimer la dance. Et puis après, j'ai fait beaucoup le soir. J'ai fait 19h, 21h. Pas mal de temps. J'ai fait, à un moment donné, j'ai fait le 22h minuit. Je crois que j'ai fait à peu près toutes les tranches, quoi. Pas le temps de vous ennuyer, finalement, vous avez connu un peu tous les moments. Ouais, ouais. Toujours avec des auditeurs? Alors, par contre, ouais, toujours avec des auditeurs. Même quand je faisais Party Fun, qui était une émission mixée de dance, je voulais avoir des auditeurs sur les intros, parce que c'est ce qui me faisait kiffer. Moi, j'adorais la radio à l'américaine, c'est-à-dire une intro de disque, on va très vite, on a un auditeur, on a une humeur, on a une info, et on a un gros jingle, et c'est comme quand on écoute un gros morceau de rock, comme on vient de le faire, on s'en prend plein la gueule d'un coup, et c'est dynamique, et ça donne une perception agréable pour l'auditeur. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et pourquoi ça se termine, Fun Radio? Ça se termine en 2004, d'abord. Je demande à... C'était Olivier Jacobs qui était le directeur général à cette époque-là. Et j'étais pas très d'accord avec ce qui était en train de se faire. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de... Ils avaient modifié le format. On était sur un format Groove and Dance qui avait connu le succès. On avait atteint les 8 points. Et puis, ils étaient partis sur un format un peu plus énergie. Un peu plus hit, un peu plus large, on jouait du Phil Collins, etc. Et je voyais la radio aller dans le mur. Et j'avais dit à Olivier Jacobs, c'est soit tu me donnes la direction d'antenne. Au moins. Ouais, voilà. j'ai jamais hésité, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et puis après, ça passait pas. Mais au moins, j'étais à l'aise avec moi-même. Donc je lui ai dit, c'est soit tu me donnes la direction d'antenne, soit je pars, en fait. Parce que j'avais une proposition d'Europe 2 qui était rock à l'époque, justement. Et ça me plaisait pas mal. Et puis je voyais que ça bougeait pas mal là-bas, donc il se passait des choses intéressantes. Et il m'a dit, non, je peux pas te donner la direction d'antenne, t'es un animateur. Donc j'ai fait, bon, ok, il y a rien à faire ici. Si j'ai une étiquette d'animateur et je peux rien être d'autre qu'un animateur, ça m'intéresse pas. Parce que moi, je voulais vraiment devenir patron d'une radio un jour ou l'autre. Donc j'ai fait mes valises. Je suis parti chez Europe 2 avec Christophe Sabot, qui avait la réputation d'être un grand homme de radio, qui avait fait des belles choses dans le groupe Énergie. Donc je suis parti avec lui. Je suis arrivé sur Europe 2 pendant l'été 2004. Donc il me proposait le 18h-20h, je crois, ou 17h-20h, je sais plus. Enfin, cette heure-là, qui était à peu près mon heure. J'aimais bien l'after school, en fait. J'aimais bien avoir les gamins qui sortent de l'école, les gens qui sortent du boulot et leur parler à ce moment-là. Je trouvais que c'était un super horaire et ce qui me convient bien. J'aimais pas tout ce qu'il y avait avant 16h, en fait. Tout ce qui est avant 16h m'a jamais intéressé en radio. Et j'aimais bien entre 16h et minuit. Et donc ça, la tranche m'allait très très bien. J'avais carte blanche, donc évidemment à chaque fois que j'avais un speak, j'avais un auditeur. On allait très vite sur les intros, ce que j'aimais faire à l'américaine. Et puis Christophe Sabot, au bout d'un mois, donc c'était en septembre, me dit, on change le format, on va faire le pouvoir de la musique. Donc le slogan me plaisait pas trop déjà. Moi je suis venu pour une radio rock, en fait. Il m'avait vendu une radio rock. Il me fait, ouais, mais on va s'élargir un peu. Donc en fait, ils étaient en train de faire la même connerie que Fun. Ils étaient en train de s'élargir sur un format hit. Ils étaient en train de se rapprocher d'énergie. Donc évidemment, je finis que j'étais pas trop d'accord avec ça. Mais comme je venais de signer, je me suis dit, je vais pas rebouger. Enfin, j'ai quitté Fun pour venir ici, je vais pas rebouger. Donc on va essayer de tenir. Au bout de 2 mois, je lui dis, je vais être directeur d'antenne. Parce que vous l'avez gardé en tête longtemps, en fait, le fait d'être directeur d'antenne, finalement. Ouais, parce que ça commençait à me saouler, en fait, de faire de la radio comme je veux. Enfin, d'être sur des radios qui, pour moi, partaient à la dérive. C'est-à-dire que j'en avais marre d'être passif, je voulais décider, quoi. Mais vous aviez des idées? Ah bah ouais, totalement. Quand j'ai dit à Christophe Sabot, je veux prendre la direction d'antenne, je vais donner un papier avec ce que je ferai dans les 30 premiers jours et à quoi ressemblerait la radio 3 mois après. Donc il savait précisément ce que je voulais faire. Oui, c'est jamais juste, je veux prendre la radio, non, c'est voilà ce que je vais faire. Et il me disait, c'est super, mais tu viens de Fun, tu viens d'arriver, ça va être dur pour l'équipe parce que c'est des gens qui étaient là depuis longtemps et qui étaient installés. Et il fait, faut que tu te fasses petit pour l'instant, mais tes idées sont très bonnes, donc je te nomme responsable du marketing antenne. Donc c'était un truc un peu bâtard pour me mettre un peu responsable, pour me faire plaisir, mais en fait, je décidais pas de grand chose. Mais j'ai quand même essayé de faire faire ce que j'avais envie de faire, de changer l'habillage, de mettre la radio vraiment dans le sens dans lequel je la voyais bien aller. Et puis donc ça c'était en octobre donc 2004, je venais vraiment d'arriver et 15 jours, 3 semaines après, Sam Z m'appelle qui était lui était parti à l'étranger, il était en Australie à ce moment-là. Il me dit écoute, Axel Duroux va reprendre Fun et RTL2 et RTL d'ailleurs, reprend tout. Il va arriver bientôt. Je te propose d'être mon directeur d'antenne, je serai le directeur général. Je sais pas, putain, c'est génial. Enfin, ça y est. Enfin, ça y est. Mais Sam me connaissait depuis plusieurs années, il savait que je voulais faire ça et puis il savait que je l'avais toujours suivi et que on avait une relation assez proche quoi. Il m'a appris la radio, je lui faisais confiance, il me faisait confiance. Donc j'ai dit bingo. On y va, donc il me dit, il va falloir que tu démissionnes, je sais pas, c'est pas un problème. Donc je suis resté 6 mois à Europe 2, en gros j'ai continué un peu à Europe 2 le temps que tout se fasse à Fun, et puis j'ai démissionné pour partir en juin 2004, donc j'ai à peine fait une saison, pour rejoindre ensuite Fun en tant que directeur et animateur, parce qu'il m'a dit, la condition c'est que tu sois animateur aussi, je n'ai pas de problème. Et je me retrouve sur Fun, donc après ma clause, j'ai eu une petite clause, en janvier 2006, où Fun était... Oui, une grosse clause du ouais, coup six de... Mois, ouais. 6 mois, ouais. Ouais. Six vous mois. Travaillez pas sur la grille de rentrée, quoi, du coup. Bah, de chez moi, quoi. Ouais. Mais normalement, faut pas le dire, mais ouais. C'était il y a longtemps. De chez moi, bien sûr, parce que les clauses, évidemment, on n'a pas le droit de bosser dans la radio, mais on peut bosser de chez soi, et tout le monde le sait, et évidemment que ça se passe comme ça, on reste pas en vacances à rien faire. On commence à préparer le terrain, évidemment. Donc, je suis arrivé en janvier 2006, Fun était à 5.5, était vraiment mal en point. Mais... Donc avec Sam, on a fait des études stratégiques, on s'est dit où est-ce qu'il faut qu'on mette cette radio, qui était donc sur un format HIT à la énergie. Et on a regardé le paysage à ce moment-là, on a vu que Skyrock était évidemment bien assis sur le rap, on n'allait pas aller sur le rap puisque c'était eux qui étaient légitimes là-dessus. Énergie était légitime sur les hits, donc on n'allait pas aller là où Énergie était légitime. Donc il restait pas grand-chose. Heureusement, Europe 2 faisait des conneries, donc eux aussi s'étaient rapprochés d'Énergie. Et d'ailleurs, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à chuter sans s'arrêter. Avec Sam, on s'est regardé, comme on a toujours aimé la dance, lui et moi, on s'est regardé, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse dance. Je lui ai dit, mais on va nous prendre pour des malades. Il n'y avait pas de dance à l'époque. C'était pas le format qui marchait. Il s'est dit, mais on va le créer, le truc. On va créer ce mouvement. Je fais, écoute, de toute façon, si on fait rap, on est mort. Si on fait hit, on est mort. Donc, il reste pas grand-chose. Faisons la dance. Au moins, on kiffe ça, on le fera bien. Et puis, si ça prend, tant mieux. On est parti sur le format Dance the Fun. Et sur le son Dance Floor. Et je me rappellerai toujours du jour où on a mis on air la playlist. On avait fait la playlist ensemble. Et on avait choisi une quarantaine de titres. Mais que dance, quoi. Ça va être la révolution, quand même. Parce que ça n'existait pas en France, une radio dance. Depuis longtemps, ça n'existait plus, quoi. Et quand je l'ai écouté, on a mis ça à minuit on air. J'ai écouté ça chez moi. Je me suis dit, putain, c'est mortel. Elle est mortelle. La radio va déchirer. J'adorais cette radio, quoi. C'est vraiment la radio que je voulais écouter. Et à partir de là, on a mis ça en place en janvier 2006. Et en juin 2007, on est arrivé à 7.4 d'audience. Donc le pari était réussi. C'est là qu'on a créé... on a créé plein de choses, les Bob Sinclair, les Martin Solveig, les David Guetta, tous ces DJ français, etc. On les a mis à l'antenne, on les a fait mixer, on les a mis en avant, on jouait la dance des clubs, des trucs qui faisaient du bruit, et ça a marché, ça a pris, ça a créé un mouvement. Et Fun Radio, qui était une radio ringarde quand on l'a reprise, est devenue une radio super moderne qui était écoutée dans les lycées, dans les collèges. C'était la radio de la fête, quoi. D'ailleurs, on le disait dans les jingles, c'est ce qu'on voulait que ce soit. C'était la radio de la teuf, voilà. Et on a tout créé autour de ça, une radio cool, qui se prend pas la tête, une radio qui est faite pour mettre à fond dans sa voiture, pour s'éclater, et ça a marché. Et puis après, il y a eu tout le mouvement dance en plus qui a suivi, il y a eu plein de productions dance qui sont arrivées, donc après c'était super facile à faire. Et ça nourrissait les playlists. Ça nourrissait les playlists, voilà. Et à ce moment-là, Sam est parti pour plein de raisons. Il y a Jérôme Foucret qui est arrivé, qui connaissait rien à la radio du tout, et qui nous a dit, bon les gars, faut m'aider, je sais rien faire. Je dis, bah, de toute façon, t'inquiète pas, on la gère. et il nous a regardé faire pendant longtemps, pour ensuite dire que c'est lui qui évidemment avait tout fait, mais il est arrivé, on faisait déjà 7.4, et voilà. Ça dure jusqu'à quand, du coup, Fun Radio? Bah, jusqu'en décembre 2009. décembre 2009 où Énergie me propose de les rejoindre. Énergie n'allait pas très bien. Puisque, évidemment, nous, ce qu'on faisait, on avait une stratégie à fun, c'était d'aller chercher les auditeurs là où ils étaient, c'est-à-dire chez Énergie. Il y avait un gros réservoir d'auditeurs chez Énergie. Donc, quand avec Sam, on avait élaboré cette stratégie dance, on s'est dit, on va faire une stratégie dance, mais populaire, pour taper Énergie, vraiment, pour les prendre. On s'était dit, Sky, il leur fait mal avec le black, nous, on va leur faire mal avec la dance. Donc, ils vont être pris comme ça en étau, et on va vraiment les ringardiser, quoi. C'est ce qu'on voulait faire. On le disait pas, mais c'est ce qu'on voulait faire. Et c'est ce qu'on a fait, puisque dans l'habillage, dans la façon de faire les speaks, dans les textes des OP, moi j'écrivais tout, il n'y a rien qui était laissé au hasard, je le fais toujours d'ailleurs, j'écris toujours tous les textes. On tapait vraiment sur Énergie, en étant plus moderne qu'eux, en ayant les jeunes finalement. Et donc quand Énergie est arrivé aux alentours des 9.8 d'audience, ils m'ont appelé, ils m'ont passé un coup de fil, c'était 2 jours après les sondages, genre ça serait bien qu'on se voit pour boire un café, 2 jours après les sondages chez mon hockey, j'ai compris pourquoi, et j'ai rencontré Jean-Paul Bodecrou, donc dans un café, et qui me dit, bon, alors, ce serait bien de nous rejoindre, mais moi, je suis pas très chaud, parce qu'on m'a dit qu'il y avait des fous chez Énergie, puis bon, ça fait 4-5 ans que vous changez votre directeur d'antenne tous les 3-4 mois. Il y a votre passé anti-Énergie qui ressortait à ce moment-là, Morgane. Bah, déjà, j'aimais pas Énergie, parce que pour moi, c'était une radio un peu vieillotte. Et j'ai toujours eu cette image de radio un peu vieillotte, qui était trop populaire pour moi, trop vieillotte. J'écoutais le RFM rock de l'époque, j'écoutais Fun Radio qui était un peu rebelle. Moi j'ai toujours aimé la radio un peu rebelle, peut-être parce que j'ai toujours été un peu été. En tout cas, ça me correspondait bien. Et puis Énergie donc était trop mou pour moi, trop gentil. C'était la radio bisounours quoi. Donc j'y suis allé quand même parce que rencontrer Jean-Paul Bodecrou c'est quand même pas n'importe quoi. Et d'ailleurs c'est ce que je lui ai dit, quand je suis arrivé au café, je lui ai dit c'est pour moi c'est un honneur enfin de rencontrer pour moi le plus grand monsieur de la FM là, en France. Donc rien que pour ça, j'étais content d'aller prendre ce café, mais au moment où j'y suis allé, à aucun moment je voulais partir de Fun. Alors que moi j'étais animateur sur Fun, je faisais la libre antenne, je faisais mes mix dans Party Fun. J'étais le patron de la radio qui cartonnait, qui était la plus moderne. Je pensais qu'on pouvait vraiment faire mal à Énergie dans les 2-3 ans qui venaient. Je pensais vraiment qu'on pouvait... C'était sur la durée. Pour vous, dans votre tête, fallait encore un petit peu rester pour... Pour moi, Fun pouvait aller à 9 points. Voilà. Et sachant qu'Énergie était dans les 9 points, je me suis dit, il peut se passer un truc. Vraiment, et c'est ce que je disais à mes équipes à Fun à l'époque. J'aurais dit, on va taper Énergie, on va le faire, quoi. Et c'était mon objectif. Donc, j'avais pas du tout envie de partir, quoi. J'étais super, j'étais le roi du monde, quoi. Vraiment. Et c'est ce que j'ai dit à Jean-Paul Bodecrou. Moi, je suis super bien Fun, hein. Donc, c'est super sympa, mais je vois pas pourquoi je viendrais sur une radio où il paraît que tout le monde est fou, où vous changez de directeur tous les 3-4 mois, et où j'aurais pas de garantie de toute manière de faire ce que je veux, et donc voilà, je suis pas super, super chaud, quoi. Donc on est un peu resté là-dessus. Mais je lui dis voilà, merci beaucoup, j'étais vraiment flatté. Merci pour le café. Merci pour le café et puis merci d'avoir pensé à moi après en avoir viré 8 ou 9 autres. En gros, c'était ça. Et puis 15 jours passent et puis j'ai à nouveau un coup de fil en me disant ah, Jean-Paul voudrait te revoir, c'est important que tu le revoies, viens au moins. Je me dis, ok, mais on va se redire la même chose que la dernière fois, quoi. Voilà. Et donc j'y retourne, il me dit mais je vous laisse carte blanche. Je fais ça faudra l'écrire quand même. Ça veut dire que je pourrais mettre un service étude, parce qu'il n'y a pas de service étude, c'est important de savoir ce que les gens veulent. Ça veut dire que je pourrais décider comment on fera les call-outs, Qu'est-ce que c'est les call-outs? Les call-outs, c'est toutes les semaines, dans toutes les radios musicales, on a un panel de 40 disques qu'on fait tester aux auditeurs. C'est-à-dire qu'on leur demande est-ce que vous aimez bien ce disque, est-ce que vous l'aimez pas, est-ce qu'il est cramé, est-ce que vous le détestez, enfin bref, c'est les tests musicaux. Et pour moi, c'est essentiel que ça soit bien fait parce que en fait, c'est ce que veulent les gens. C'est-à-dire que c'est pour eux qu'on fait de la radio, donc c'est important de les interroger eux sur ce qu'on fait. Et ça se fait pas n'importe comment. Enfin, un très bon service étude pour avoir de très bons résultats. Parce qu'on peut, on peut faire appel à plein de cabinets différents qui sont très mauvais. Moi, je voulais qu'on ait une cellule interne qui soit, je voulais avoir un œil dessus, quoi. C'est-à-dire, je voulais avoir la main là-dessus et je voulais pas que les études soient faites, je sais pas où, dans le sud de la France, au Maroc, ou je sais pas où. Je voulais qu'elles soient faites à Énergie. Et donc, il m'a donné ces garanties-là. Il m'a donné la garantie que je pourrais vraiment faire ce que je veux et que mon seul patron, ce sera lui. Donc à partir de ce moment-là, ça m'a fait réfléchir vraiment. On s'est mis d'accord sur l'argent, sachant que je lui ai dit, je vous demande pas plus d'argent. D'ailleurs, je veux le même salaire que Fun. Par contre, si ça marche, je veux des bonnes primes. Donc voilà, c'est un discours qui lui plaisait. À l'américaine, moi, je suis assez comme ça, c'est au mérite, quoi. Donc je lui dis, voilà, pas de problème, on se met d'accord là-dessus. Et je lui dis, par contre, si on redevient Radio de France un jour, vous n'oublierez pas que... bien me payer quand même. Mais ça paraissait inespéré. Énergie était quatrième à ce moment-là, était en pleine chute. C'était inespéré. Oh, bah alors là, ce jour-là, si ça arrive, tu vois, mais moi j'y allais pour ça. Et donc je suis ressorti de là, j'ai réfléchi un peu et j'appelle Gaël, qui lui était parti sur Europe 2. Il m'avait lâchement quitté quand j'étais à Fun. Et il voulait faire sa propre expérience tout seul, ce que j'avais compris, et c'était bien qu'il l'ait faite. Bon, il est vite revenu. Je l'appelle, je lui dis voilà, je vais partir sur énergie. Je pense qu'on peut vraiment la remettre très vite à flot, et, parce qu'il suffit de la remoderniser et a priori c'est un truc qu'on sait faire. Et est-ce que tu viens? Et il m'a dit mais évidemment que je viens. Bon bah ok, je te tiens au courant parce que là j'ai 9 mois de close en fait, donc va falloir que tu sois patient, que tu restes là où t'es. Et puis on a commencé à échanger tous les deux. Moi j'ai fait le tour du monde, j'étais en Thaïlande, à droite, à gauche, et puis lui toujours sur Virgin, le pauvre. Et on échangeait sur ce qu'on allait faire, sur comment on voyait les choses, et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place énergie. Et puis après la suite vous la connaissez. Et quand vous faites votre voyage, vous allez voir les radios ailleurs, comment non. ça se passe? Non, pas du tout. Vacances. Vous êtes pas... Vacances. Ah vacances. Oui, non, décompression complète. Ouais. C'est-à-dire que moi quand je suis pas à la radio, j'oublie la radio en fait. Et pour moi c'est important. Je pense que d'être tout le temps dans la radio, on n'a plus le recul. Et pour moi, c'est important de garder le recul de l'auditeur. En fait, quand je suis pas à la radio, je suis un auditeur. Mais vraiment, j'ai toujours réussi à faire ça. Et d'ailleurs, le matin, j'écoute la radio. Si l'énergie me saoule, je zappe. Par contre, j'oublie pas pourquoi j'ai zappé. Je vais le dire ensuite aux animateurs. Et quand il arrive au bureau... Ah, ok. Voilà. En gros, c'est ça. Mais j'écoute la radio par plaisir et je continue de l'écouter par plaisir et j'écoute pas forcément tout le temps énergie. Et quand j'écoute énergie, je sais ce que je veux y trouver, comme un auditeur. Et quand je trouve pas ce que je veux, ça me dérange. Et donc, dans ce cas-là, j'essaye de faire les ajustements. Bon, allez, Morgane Serrano, on va passer une minute de votre deuxième pause musicale parce que je sens que ça vous fait plaisir, mais on est assez pressé par le temps, donc on va pouvoir en passer qu'une petite minute. Et c'est quoi? C'est Billy Idol, c'est le meilleur rocker du monde. Vous avez choisi quel titre? Rebel Yell, qui pour moi est le meilleur morceau de Billy Idol, et c'est un mec que j'adore, et voilà, depuis l'adolescence. Idol. Je suis désolée, Morgane Serrano, on est très en retard, alors je passe qu'une minute. C'est dur ce que tu fais, là. Rebellion, toujours sur Fréquence Protestante, toujours dans la mécanique des ondes de Morgane Serrano, qui est depuis 5 ans avec son compère Gaël Sancar à la tête d'Énergie. Alors, qu'on rappelle, justement, quand vous arrivez à Énergie, donc après avoir travaillé quand même en off un certain temps. Bien sûr. Jean-Paul Baudecroux, il vous place, ou c'est vous qui dites chacun, on veut faire ça, on veut faire ci, on veut être ça, on veut être ci? Ah bah Jean-Paul, c'est simple, il m'accueille quand j'arrive et il me dit bah allez-y maintenant. Donc voilà, c'est super simple. Allez-y, donc j'ai fait mon équipe, j'ai recruté Charles Daboville qui est aux études, qui fait partie de mon équipe. J'ai recruté Gaël. Et puis d'autres personnes après qui sont dans l'ombre, et j'ai créé mon équipe comme ça. Mais Jean-Paul il s'en foutait, lui il m'a recruté, il m'a dit maintenant faites ce que vous voulez, mais je veux les résultats. Donc du coup, comment vous dispatchez entre vous et Gaël vos travaux des respectifs? Bah en fait, on s'est jamais dit moi je fais ci, moi je fais ça. Tout s'est fait toujours naturellement. C'est-à-dire que Gaël, c'est quelqu'un, je lui ai toujours dit, c'est quelqu'un qui est dans le moteur. C'est quelqu'un qui aime bien rester vraiment en retrait, derrière, qui est dans le moteur. Moi, je suis plus dans les grands choix stratégiques, dans où on va aller. Je lui dis toujours que c'est une flippette parce que vous avez deux caractères complètement différents. Ouais, aussi. Ouais, voilà, moi je suis plutôt du genre peut-être un peu inconscient, un peu fonceur, etc. Gaël, il est plus posé, il est plus en retrait, plus tranquille, et finalement ça nous convient bien parce que moi je fonce et il aime quand je fonce, il aime quand je suis un peu chien fou, et du coup il aime bien suivre ça, et puis moi j'aime bien son côté un peu, il me dit oula t'es fou, faut pas faire ça, je fais mais si on y va, et puis du coup il fonce quand même, donc je l'entraîne et puis je lui fais confiance après sur le reste, et après c'est lui qui est vraiment dans le moteur quoi. Sur l'international par exemple, c'est lui qui se déplace le plus, c'est lui qui va vraiment au contact des équipes, etc. Moi j'y vais quand il faut définir les grandes lignes chaque année, on fait les études stratégiques par exemple à Berlin, etc., pour faire les horloges, pour vraiment leur donner leur ligne pour l'année qui vient, et puis après Gaël suit tout ça quoi. Donc sans lui ça serait difficile pour moi quoi. Et vous ou Gaël, vous surveillez les autres radios du groupe Énergie, puisqu'il y a d'autres radios dans ce groupe. On en est responsable même, hein. Donc parce que moi je suis président en fait de toutes les radios du groupe et de l'international. Donc et Gaël est le directeur de ces radios là. Donc on est tous les deux sur toutes ces radios là et on est tous les deux responsables des chiffres de toutes les radios du groupe Énergie. D'accord, donc effectivement, vous allez placer les directeurs d'antenne, leur donner voilà. Les grandes lignes, etc. Voilà, on définit quand même la stratégie nous-mêmes, et ensuite on a des directeurs qui doivent appliquer la stratégie de Chérie, Nosta, Rire, et puis les radios à l'international. Énergie, on s'en occupe nous-mêmes. Quand on arrive à 12%, c'est quoi l'objectif d'après? L'objectif, c'est d'être premier. Voilà, c'est d'être la première radio de France. Toute radio confondue. Donc l'objectif, notre challenger principal, c'est RTL. Donc l'objectif, c'est toujours d'être devant RTL. Voilà, c'est ça notre objectif principal. Alors que ce soit 12, que ce soit 13, que ce soit 11,5, que ce soit 14 à la limite, ça m'importe peu. Ce qui compte, c'est qu'on soit premier, parce que si on est premier, ça veut dire que tout va bien, ça veut dire qu'on est en forme, ça veut dire qu'on recrute des auditeurs, ça veut dire qu'ils adhèrent toujours à notre programme, et moi, c'est ça qui m'importe. Après, la difficulté, c'est qu'on peut pas prendre des auditeurs directement à RTL. C'est toujours ma grande frustration. Je peux pas les taper directement. Donc, quoi qu'ils ont pris cette ligne un petit peu rajeunie, là, depuis un an, un peu deux ans, ils ont un petit peu rafraîchi leur image, hein, RTL. Hein. Ouais. Alors, ils ont essayé de le faire. Pour l'instant, c'est pas un grand succès puisqu'ils sont en baisse sur l'année. Mais je leur souhaite de réussir. Parce que je pense qu'RTL, honnêtement, je pense qu'RTL a un bien meilleur potentiel que les chiffres qu'ils font aujourd'hui. Je pense qu'ils devraient faire 2 ou 3 points de plus, honnêtement. Ah, un bon entendeur. Ah ben, facilement, oui. mais j'ai envie de vous dire, vous avez votre grille, là, aujourd'hui, qui marche sur Énergie. Ouais. Vous n'allez pas prendre de risques, puisque tout marche. Les risques, c'est quand on les a mis en place, déjà, parce qu'à chaque fois que j'ai mis quelque chose en place, on m'a traité de fou. Quand j'ai mis Coé le soir, on m'a traité de fou. Quand j'ai mis Manu le matin, on m'a dit que c'était un mec de fun, pas d'énergie. Quand j'ai pris Guillaume, on m'a expliqué qu'il était nul. Donc, les risques, on les a pris. Enfin, c'était les risques pour des gens, mais pour moi, c'était une évidence. Parce que je sais à quel point ces gens-là sont bons. Quand Coé avait l'habitude de faire des mornings, je trouvais ça bien que lui se remette en question et qu'il, justement, soit sur autre chose. Même si ça lui a pas plu tout de suite, mais il a quand même accepté. Et finalement, c'était ça. Je voulais le reconnecter avec les jeunes. Donc, et surtout le forcer à faire autre chose pour qu'il se renouvelle, c'était important. Et c'est pour ça que ça a marché le soir. Et c'était une évidence pour moi de prendre Guillaume. C'était évident que c'était l'avenir. Ce mec, il est talentueux, il est fort, il est proche des gens. Et voilà, des gens proches des gens. Pour moi, ils ont leur place chez Energy. Et puis Manu, je connaissais le potentiel qu'il avait puisqu'on avait travaillé tous les deux sur le Morning de Fun. C'est moi qui l'avait convaincu à Fun de faire son émission tout seul, ce qu'il ne voulait pas faire. Il voulait toujours être le sniper de quelqu'un. J'ai dit non mec, t'as le talent, t'as l'expérience pour être... Donc il y a cette confiance avec ces gens-là que j'avais. Ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux et je savais de quoi ils étaient capables. Donc c'était des risques pour beaucoup de gens, pas pour moi. Et aujourd'hui ça marche. Donc tant que ça marche, moi je change pas les choses. Le jour où ça marche pas, on les fera évoluer, c'est pas un souci. Morgane Serrano, l'invitée précédente, Anne Serrod, qui est directrice de FIP, vous pose une question. Bonjour Morgane Serrano. Je me demandais, vous savez, à FIP, on peut faire une programmation musicale sans aucune contrainte commerciale. On choisit la musique qu'on diffuse uniquement parce qu'on considère que c'est de la belle et de la bonne musique. Alors, quand on travaille pour une radio commerciale, la question que je me pose, c'est comment on fait pour jumeler les choix artistiques en ayant cette contrainte commerciale quand même toujours derrière soi. Alors voilà, je vous écoute. Bah, je suis étonné de cette question. Comme quoi, il faut vraiment qu'on dise en quoi consiste notre travail. Déjà, merci de l'avoir posé, parce que ça va me permettre d'y répondre. On choisit les disques au feeling. Ça nous fait vibrer, ça nous fait pas vibrer, on pense que c'est bien, on pense pas que c'est bien. Voilà, on les choisit comme ça. C'est vraiment à la route, quoi. C'est-à-dire qu'on a une pile, on sait qu'on va avoir 3-4 places en playlist parce qu'il y a des disques qu'on a dégagés, parce qu'ils marchaient pas. On a 3-4 places, on écoute et on se dit, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qui nous fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui va le mieux s'intégrer à la playlist? Qu'est-ce qui va plaire aux auditeurs? Et on les met. Et on les teste 15 jours, 3 semaines après. Donc, on est freestyle. Comme dans toutes les radios, je pense. Enfin, non, il y en a qui font au test. Pour moi, les tests, ça marche que quand les disques sont connus. Donc, faut d'abord les jouer et ensuite, on les teste plus tard quand les gens commencent à les connaître. Donc, c'est du feeling, en fait. Total feeling. C'est juste nous, en fait. On kiffe ou on kiffe pas. Et après, le commerce, il se fait si on fait de l'audience. C'est à la régie d'aller vendre les audiences. Mais on n'a rien à voir avec le commerce, nous. Nous, on fait juste une bonne playlist qui nous plaît et qu'on a envie d'écouter. Voilà. D'accord. Alors, questionnaire rapide, Morgane Serrano, qui va être extrêmement rapide. Bien sûr, j'ai compris. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? RFM. Quelle radio vous réveille le matin? RMC. Quelle radio vous endort le soir? RMC. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Chez moi. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? En vacances. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un seul à retenir? Le jour où je suis arrivé sur Fun. Le pire souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un? Le jour où j'ai quitté Fun. Et un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Ne rien lâcher, aller au bout de ses envies et de ses idées. Et si on travaille, on a toujours le résultat. C'est pas mal. C'est vrai. Bon. C'est pas mal, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Morgane Serrano, pour cette mécanique des ondes. Je vous rappelle que Energy sont nos voisins sur la bande FM, 100.3, et puis nous, c'est 100.7. Voilà, c'est tout à côté, à Paris. Des fois, vous nous grignotez un petit peu, la bande FM, bon... Ah, vous êtes un concurrent rude, mais on se bat. Oui, oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci cette à toi. Interview, vous pourrez la retrouver sur le www.lamecaniquedesondes.com et puis à réécouter, bien sûr, sur le site de la radio, fréquenceprotestante.com. À bientôt.